Chapitre 9. La scène des apôtres. Adrien, cria le capitaine. Me voici, répondit Dubreuil, qui s'était empressé de regagner son cadre. Monte. L'ingénieur gravit lentement l'échelle qui conduisait sur le tillac de la Mouette. Là, un spectacle nouveau, unique, l'attendait. Le pont du navire était littéralement encombré de femmes. Il y en avait une quarantaine au moins, de tout âge, de tout costume, je dirais presque de toutes couleurs, activement occupés à transborder la cargaison sur une multitude de canots en écorce disséminés autour de la barque. Quant aux apôtres, ils fumaient paresseusement, accroupis sur le gaillard derrière. On eût dit des sagamos surveillant le travail de leurs femmes. De fait, ces créatures les servaient de femmes pour la plupart, indiennes ou métisses. Elles étaient, par eux, traitées comme les squaws pour rouges par les hommes de même race, c'est-à-dire comme des bêtes de somme. Après une chasse ou une expédition, elles étaient tenues d'aller ramasser le gibier ou le butin et de le serrer dans les magasins de la troupe. En campagne, elles portaient les fardeaux, tentes, piquets, ustensiles de cuisine. Au camp, elles dressaient les wigwams, allumaient les feux, apprêtaient les aliments, et quand le maître était de folle humeur, elles partageaient sa peau d'ours. En retour des nombreuses obligations qu'il leur devait, celui-ci les battait souvent, leur donnait à manger quelquefois et parfois aussi les laissait mourir de faim. Mais il ne manquait guère de les couvrir de clinquants, parce que leur parure satisfaisait sa vanité et lui valait cette réputation d'adresse qu'ambitionnent tous les aventuriers du Nord-Ouest américain. Aussi les femmes des apôtres, bande célèbre s'il n'y en eut jamais, étaient-elles étincelantes de pierreries fausses et de bijoux en grisocale. Outre cela, toutes portaient des jupes rouges, vertes, bleues, jaunes, d'une vivacité de couleurs à blesser les yeux. Ces jupes, cependant, créaient de terribles jalousies parmi les beautés du lac supérieur. S'ils l'eussent voulu, les apôtres auraient attiré à eux toutes les jeunes squaws du pays, à 100 000 à la ronde, tant la coquetterie a d'empire sur l'esprit féminin des sauvagesses elles-mêmes. Mais un article de leur règlement défendait que chacun plus de 5 femmes. Et généralement, il se montrait satisfait de ce nombre, assez raisonnable d'ailleurs. On peut se contenter à moins. Sauf l'addition du similor, soit dans leur chevelure, soit sur leur habillement, nos rouges odalisques étaient vêtus à la mode indienne. Robes courtes, en laine ou calicot, à peine serrées à la taille, mitasses et mocassins de peau de daim, ornées de broderies en rassade ou poils de porc-épic. Elles avaient la tête nue, les cheveux plats, peu long et peu fourni, divisé en 2 bandeaux sur le milieu du front. Si quelques-unes pouvaient passer pour jolies, le plus grand nombre ne paraissait guère propre à inspirer de tendres sentiments. La laideur, d'une certaine quantité, devait même être un antidote contre l'amour. C'est au moins la réflexion que se fit Dubreuil, en se trouvant tout à coup au milieu de cet essaim d'indiennes, car pour les apôtres, il est probable qu'ils n'y regardaient pas de si près. « Tu vois notre harem, » dit de sa voix mélodieuse le mangeur d'homme à l'ingénieur. « Si pendant ton séjour avec nous tu te sens quelque désir, tu m'en avertiras. Mais garde-toi de faire les yeux doux à l'une de ces femmes, car alors je ne leur répondrai pas de ta vie. Mes gens sont jaloux comme des tigres, et ils ne souffrent pas qu'on se mêle à leurs affaires de ménage. Sois tranquille du reste, il ne manque pas aux environs de jeunes filles. « Merci pour votre complaisance, » interrompit sèchement Dubreuil. « Mais que pensez-vous faire de moi ?» Tu le sauras bientôt, par le Christ, mon frère aîné, tu le sauras bientôt. Seulement, souviens-toi de ton serment. Vous êtes le plus fort. Assez, s'écria impatientement Jésus. On va te mener à terre, dans cette île que tu vois sur la droite. Tu seras libre de t'y promener. Mais je te le rappelle encore, n'oublie pas que tu m'as donné ta parole de ne pas chercher à fuir. En prononçant ces mots, le capitaine indiquait du doigt un groupe d'îlots assez considérables qui marquetaient le lac, à une portée de pistolet du lieu où la Mouette était à l'ancre. Ces îles formaient l'archipel des 12 apôtres. Avec leurs côtes fantastiquement découpées, le rocher coloré en vert, en bleu, en jaune, par le suintement des eaux pluviales à travers des terrains miniers, leurs crêtes boisées déjà tapissées d'une luxuriante verdure, elles offraient en vérité un coup d'œil charmant. Autant qu'on en pouvait juger du pont de la Mouette, la majorité des îles des 12 apôtres étaient inhabitées, mais sur celles désignées à Dubreuil par le mangeur d'hommes se montraient 10 divers bâtiments entourés d'une haute palissade aux pieux taillés en fer de lance. Tel était l'aspect extérieur de la pointe. cet ancien poste de la compagnie américaine des pelleteries, actuellement occupé par le mangeur d'hommes et ses hideux compagnons. Tandis que Dubreuil considérait attentivement ce tableau et tâchait de calculer la distance qui séparait l'îlet de la terre ferme, l'écorché lui ordonna de le suivre. Ils descendirent dans un canot. Deux indiennes accroupies sur les talons se mirent à pagayer, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière de l'embarcation, et en quelques minutes ils touchèrent au rivage sous la palissade du fort. « Tu peux te promener ou nous attendre ici, » dit Judas à l'ingénieur, après l'avoir déposé à terre. Ensuite il retourna au navire, laissant sur la plage Dubreuil fort embarrassé de ce qu'il devait faire. Mais il ne demeura pas longtemps dans cette perplexité. La mouette étant aux trois quarts déchargée et ses marchandises emmagasinées dans l'ancienne factorerie, les apôtres fixèrent plusieurs câbles au beaupré du navire et le remorquèrent, à l'aide de leur canot, dans une anse étroite près de la pointe. « Maintenant, camarades, faisons la Seine !» cria le mangeur d'hommes, dès que la barque eut été solidement amarrée. « Je permets de manger, de boire et de se divertir jusqu'à demain. Mais avant tout, pour éviter les accidents, que chacun dépose ses armes dans l'arsenal. « Bravo, hurrah pour le capitaine !» clamèrent les apôtres. « Hurrah pour le capitaine !» répondirent en écho leurs femmes. Puis tous se dirigèrent pêle-mêle vers la porte du fort, entraînant avec eux Dubreuil étourdi, enivré par l'étrangeté des événements auxquels il assistait depuis deux jours. Sans trop savoir comment, il fut conduit dans une vaste salle basse que partageait dans toute sa longueur une table immense, flanquée de bancs, et qui ployait sous le poids des mets dont elle était couverte. On y voyait des daims rôtis tout entiers, des estomacs de caribous, pendus par des ficelles au plafond et contenant la soupe, de monstrueux boudins de pémican, des bosses de bison cuites enveloppées dans la peau de l'animal, des faisceaux d'os à moelle fumant, et d'énormes chaudières enfermant la fameuse thiode, espèce de ragoût composé de poissons frais, saumon, esturgeon, masquinongé ou morue, et de tranches de lard, en haut renom sur les bords du lac supérieur et du golfe Saint-Laurent. Entre ces plats gigantesques, posés à même sur le bois brut, se dressaient des cruches remplies de whisky, de rhum ou d'eau-de-vie de riz sauvage. La table pouvait aisément contenir 50 personnes, mais le couvert n'était mis que pour 13. Quel couvert! Un morceau d'écorce en guise d'assiette, un vase de corne ou de bois servant de verre, une épine au lieu de fourchette. Pour suppléer aux ustensiles qui manquaient, nos apôtres n'avaient-ils pas leur couteau? Les voici attablés. Le mangeur d'hommes à un bout, l'écorché en face, leurs gens dispersés à 4 ou 5 pieds les uns des autres. Mais les concubines de chacun envahissent les espaces intermédiaires. Elles s'empressent par groupes autour de leur seigneur, moins sans doute pour les servir que pour en recevoir un os à demi rongé ou un coup d'eau de feu. Toutefois, elles ne sont pas assises à la table. C'est un bonheur inconnu aux femmes dans le Far West. Elles se tiennent respectueusement debout. Seul le capitaine n'est pas environné de femmes. Il a placé Dubreuil auprès de lui. Une vieille squaw leur passe les aliments qu'ils désirent et leur verse à boire. Pendant une demi-heure, on n'entend que le cliquetis des mâchoires, entrecoupé de quelques jurons énergiques à l'adresse des indiennes qui se chamaillent ou des hurlements d'une douzaine de chiens qui disputent ces dernières les miettes du festin. Mais pendant cette demi-heure, les apôtres et leurs familles que suite ont englouti tout ce qui était matière mangeable. Sur la table, il ne reste plus que les cruches de grès demi-vides. Le mangeur d'hommes se tourne vers sa squaw et lui dit « Maggie, sorcière du diable, enlève les couteaux !» Chaque apôtre remet alors son couteau à la vieille indienne, car l'orgie va commencer, pantelante, échevelée, lubrique, ignoble, et il serait à craindre que ces coryphées ne s'entrent des chirasses s'ils conservaient à leur portée des armes d'aucune sorte. Par le Christ, mon frère aîné braille Jésus qu'excite les fumées de l'alcool, après avoir rempli de whisky son gobelet, je bois, camarade, au succès qui a couronné notre dernière expédition. Grâce à la prise de ce jeune homme, dans quelques mois nous posséderons plus de richesses que la compagnie de la baie d'Hudson. Mais l'on veille bien sur nous, car il tient notre fortune entre ses mains. Allons, monsieur l'ingénieur français, continua-t-il d'un air narquois, trinquez avec moi. Viva, beuglèrent les brigands, à la santé du français. Bon gré, mal gré, Dubreuil dut accepter ce toast et choquer sa coupe contre celle des apôtres. « Maintenant, une chanson pour nous égayer, car j'ai la liqueur triste ce soir, » reprit le capitaine. « Oui, une chanson, » réclama-t-on de toutes parts. « Voici, cria Simon, jetant au milieu du brouhaha les beaux verres de Biron. Fill the goblet again, for I never before felt the glow which now gladdens my heart is to his score. Let us drink. Who would not? À qui le tour? Interrogea le mangeur d'homme quand Simon se fut rassis. À qui le tour? À Barthélemy. Va pour Barthélemy, 1000 buffles. Tant mieux, il daubera encore les Anglais. Qu'est-ce que tu dis, vilain Canadien? Silence, intervint Jésus. Sachez, enfants, que vous n'avez point de nationalité. Les apôtres sont de toutes les origines, de tous les pays du monde. Bravo, hurla la foule. Allons, Barthélemy, commence, nous t'écoutons. Attendez d'abord que je m'éclaircisse le timbre, répondit Barthélemy, qui se versa une rasade de rhum et l'avala comme si c'eût été un verre d'eau. Puis il entonna une voix de stentor les couplets suivants. Sesti capincé berg haut soup. Note de l'auteur, cette chansonnette fort populaire en France vers la fin du siècle dernier, après la prise de Berg Oxum, la pucelle, par le comte de Lowenthal, qui commandait nos troupes, est encore en vogue au Canada. Fin de la note. Cesti là qu'a pincé Berg Oxum, qu'est un vrai moule à tédéum, qu'est un vrai moule à tédéum. Dame, cesti là qui a du mérite et qui trousse un siège bien vite. Comme Alexandre, il est petit, mais il a autant d'esprit, mais il a autant d'esprit. Il a de la vaillance, de César toute la prudence. J'ai triomphe, messieurs les Anglais. Je m'oppose, interrompit un des apôtres furieux. Et moi je dispose, répliqua le mangeur d'homme avec un coup d'œil sévère à l'interrupteur qui se rassit en maugréant. On applaudit chaudement aux mots du capitaine, et Barthélemy reprit. J'ai triomphe, messieurs les Anglais, qu'avions-nous voulu faire les mauvais? Qu'avions-nous voulu faire les mauvais? Dame, c'est qu'ils ont trouvé des drilles, qu'avec eux ont porté les trilles. Ta chanson, dit Jésus, ne manque pas de sel, mais je voudrais ce soir quelque chose qui sentit le trappeur. Voyons-toi, Jacques le Majeur, qu'as-tu dans ton sac? Moi, je ne connais que la gloire des bois brûlés. Note de l'auteur. Cette chanson a trait à un combat sanglant qui eut lieu en 1818 à la Rivière Rouge, entre le bois brûlé et les gens de l'Orque Selkirk. On la chante toujours avec enthousiasme dans les réunions de trappeurs canadiens. Fin de la note. Eh bien, conte-nous la gloire des bois brûlés. Avec plaisir, capitaine, fit Jacques le Majeur, qui tout aussitôt s'écria. Voulez-vous écouter chanter, voulez-vous écouter chanter, une chanson de vérité, une chanson de vérité. Le 19 juin, la bande des bois brûlés sont arrivés comme de braves guerriers. En arrivant à la grenouillère, nous avons fait 3 prisonniers. 3 prisonniers des Arcanis, habitants des îles Orkneyses, qui sont ici pour piller notre pays, étant sur le point de débarquer. Deux de nos gens se sont écriés. Voilà l'Anglais qui vient nous attaquer. Tous aussitôt nous avons déviré, nous avons été les rencontrer. J'avons cerné la bande de grenadiers. Ils sont immobiles, ils sont tous démontés. J'avons agi comme des gens d'honneur, j'avons envoyé un ambassadeur. Le gouverneur, voulez-vous arrêter? Un petit moment, nous voulons vous parler. Le gouverneur qui est enragé, il dit à ses soldats, tirez. Le premier coup, c'est l'Anglais qui a tiré, l'ambassadeur, ils l'ont manqué, tué. Le gouverneur qui se croit empereur, il veut agir avec rigueur. Le gouverneur qui se croit empereur, à son esprit ajoute, à son malheur agit trop de rigueur. Ayant vu passer tous ces bois brûlés, il a parti pour les épouvanter. Étant parti pour les épouvanter, il s'est trompé, il s'est bien fait tuer. Il s'est bien fait tuer, quantité de grenadiers, j'avons tué presque toute son armée. 4 ou 5 se sont sauvés. Si vous aviez vu tous ces Anglais, tous ces bois brûlés après. De but en but, les Anglais culbutaient. Les bois brûlés jetaient des cris de joie. Qui a composé la chanson? Périchet Falcon, ce bon garçon. Elle a été faite et composée sur la victoire que nous avons gagnée. Oui, ajouta le chanteur en finissant, car je l'ai connu, Périchet Falcon, un brave trappeur, et j'y étais à la bataille que les bois brûlés ont gagnée sur les Anglais. Je bois à la santé des bois brûlés. C'est pas étonnant, car tu l'es, toi, bois brûlé, dit un voisin de Jacques le Majeur. On sait combien les aventuriers blancs, et même les Indiens du désert américains, méprisent les métis. Nulle injure ne l'aurait, je crois, plus sensible que l'appellation de bois brûlé, ou demi-sang. Aussi Jacques le Majeur, dont le cerveau était déjà allumé par l'ivresse, riposta-t-il en appliquant à l'insulteur un coup de poing à décorner un bœuf. Sans broncher, celui-ci se précipita sur son adversaire, et une lutte terrible s'engagea entre eux. Nul des spectateurs ne cherchant à les séparer, car la plupart avaient déjà perdu la raison, ou folâtraient assez indiscrètement avec leurs squaws, il est probable que la rixe se serait prolongée jusqu'à ce que l'un des antagonistes eût été assommé, si le mangeur d'hommes n'avait jugé convenable d'intervenir. Il se leva froidement de table, s'avança sans se presser vers les combattants, les saisit l'un et l'autre par la ceinture, les souleva de terre avec ses puissantes mains, et les séparant aussi aisément qu'il eût fait de deux rameaux entrelacés, il dit de ce ton doux et musical qui contrastait si étrangement avec ses formes gigantesques. « C'est un ami et non le capitaine qui vient vous réconcilier. Je ne veux pas qu'on se dispute, car par le Christ, mon frère aîné, j'ai juré que les apôtres consacreraient cette journée à la table et l'amour. Faites la paix, et pour la signer, je propose la santé de Menek Ouyakon. Oui, vive Menek Ouyakon ! Cria la bande. Jésus alors fit un signe à la vieille squaw, qui sortit et reparut bientôt, poussant devant elle une jeune indienne d'une beauté merveilleuse.